que c'est la dernière. Je connais les places des patries des rêves. Et je file en taxi vers l'enfer. Et ce riff dans le transistor, c'est bon. J'ai les morsures des nuits revolvers. Et je suis en cavale, et si c'était à faire, je voudrais entendre encore le cri des sirènes. Et j'avais le speed des motels, et je fuyais les musiques d'ascenseur. J'ai les morsures des nuits revolvers. Et je suis en cavale. Moi de quoi je l'ai. Alors je suis en cavale. Je crois que c'est la dernière. Et je suis en cavale, t'as vu de quoi j'ai l'air. Un whisky sec par ce temps de chien, je préfère. Et même si je les connais, si tu es dans le verre, j'ai comme l'envie de garder ce costume. J'ai les morsures des nuits revolvers. Moi de quoi j'ai l'air. Oh, je suis en cavale. Je crois que c'est la dernière. Je revois toutes ces nuits animales à rêver fort de Marilyn. Je revois l'éclair sur la toile et ses grands coups de sourdine. Et si c'était ma dernière, laissez-moi la rêver encore. J'aime les poursuites et les ondes, mais y'a plus rien pour me plaire. Oh, je suis en cavale. Dis-moi de quoi j'ai l'air. J'aime ces nuits revolvers. J'aime.